26e jour, jeudi 9 avril 2020. C'est long, très long. Attendre, encore attendre. Et ce n'est pas fini. Le gouvernement annonce déjà que le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril. Le président de la République doit l'annoncer officiellement lundi soir, dans un discours. Cela sera-t-il entendu et respecté par les vacanciers et les randonneurs qui, malgré les consignes impératives, partent en montagne, doivent déjà être rappelés à l'ordre par les gendarmes en hélicoptère et sont parfois victimes d'accidents plus ou moins graves mais qui nécessitent l'intervention des sauveteurs. Toujours l'égoïsme des gens. En revanche, des verbalisations abusives et aberrantes se produisent. Parfois, elles sont dues à un manque de compréhension entre la population et les forces de l'ordre. Elles contribuent à ce sentiment d'injustice que le confinement provoque déjà. Je ne vais pas les détailler ici, il se trouvera bien des gens qui vont les recenser et les diffuseront comme des bêtisiers lorsque la crise sera passée, à moins qu'ils n'alimentent de longs cahiers de doléances pour dénoncer les défauts des policiers et gendarmes. Si certains se permettent de partir en vacances en bravant toutes les interdictions, d'autres sont doublement pénalisés par le confinement. Je veux parler de ceux qui respectent les ordres, mais se trouvent dans les zones blanches, où les téléphones portables n'ont pas de réseau et où la connexion Internet est aléatoire, voire impossible. Comment alors suivre l'enseignement à distance ou effectuer du télétravail? Les gens qui habitent ces régions se sont pourtant longuement bagarrés pour que cesse cette situation d'exclusion qui trouve aujourd'hui un cinglant rebond. C'est sans parler des petits villages de campagne où les bureaux de poste sont fermés, et pour certains, pas seulement le temps du confinement, mais définitivement, où le distributeur de billets de banque est à plusieurs kilomètres de là. Comment peuvent survivre ceux qui ne peuvent se déplacer, faute d'avoir un véhicule ou simplement de pouvoir conduire? Heureusement, les maires, pourtant trop souvent critiqués, se dévouent pour leurs concitoyens et des solutions sont apportées. Pour l'approvisionnement en produits frais, en pain, des livraisons sont organisées par les producteurs ou les boulangers eux-mêmes. Certains espèrent que ces bonnes dispositions perdureront au-delà de la crise. Des liens se créent. Un nouveau mode de consommation s'instaure, auquel même certaines grandes surfaces participent en permettant à ces vendeurs de s'installer sur leur parking. Ce serait une très bonne chose qu'ils ressortent des points positifs de cette situation et que cessent certaines dérives qui s'avèrent dangereuses. Exporter pour importer d'autres produits pas toujours de bonne qualité, ne plus produire en France et délocaliser pour payer la main-d'œuvre moins chère, etc. Par contre, il faudra veiller à ce que ce recentrage ne tourne pas à une surprotection et un enfermement par un rejet de tout ce qui est étranger. C'est officiellement le début du déconfinement après 10 semaines de confinement, depuis le 23 janvier à Wuhan, en Chine. Grande fête. Avec les masques, parce que certaines consignes ne sont pas levées. Mais cela sera-t-il suffisant pour qu'il n'y ait pas un rebond de l'épidémie? Évidemment, si cela se produit, nous en serons les derniers informés, et uniquement si les autorités chinoises n'arrivent pas à endiguer la fuite des informations. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, a écrit Alain Perfit en 1973. Je ne l'ai pas lu, mais j'en retiens le titre. Que se passera-t-il lorsque cette crise sanitaire mondiale née en Chine sera surmontée? Il y a loin de la Chine impériale à la Chine moderne actuelle, que sera celle de demain? J'ai entendu une réflexion dans un reportage. En Inde, le confinement est un privilège. C'est vrai, nous qui nous plaignons d'être enfermés, de ne pouvoir continuer notre vie habituelle, nous devrions quand même nous rendre compte que pour la plupart d'entre nous, nous avons les moyens de tenir le virus à distance, en dépit de ceux qui ne respectent pas les règles. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, certes, mais dans des pays comme l'Inde, c'est le cas le plus général. Comment rester confiné quand on n'a pas de chez-soi? À part tout ça, les hirondelles sont arrivées et le coucou chante dans les arbres. 27e jour, vendredi 10 avril 2020. En avril, ne te découvre pas d'un fil, dit le proverbe. Mais quand il fait 7 degrés le matin et 25 degrés l'après-midi, on est bien obligé de tomber la veste, au moins quand la température monte. Aux infos, petit tour d'horizon des dons faits aux soignants, aux hôpitaux, à des organismes humanitaires pour des causes diverses liées à la pandémie par des personnalités et des milliardaires de par le monde. Bravo à eux, même si ça ne les privera de rien. Cela montre malgré tout, plus que jamais, la disproportion entre les riches et les pauvres. Amélioration de la situation. Il est annoncé qu'il y a davantage de patients sortants de réanimation que d'entrants. Mais il faut relativiser l'information, parce qu'il y a toujours une progression du nombre de morts. Il y a quand même un retour au calme dans les services d'urgence des hôpitaux, même s'ils sont encore très chargés. Malgré tout, le gouvernement refuse toujours de rendre le port du masque obligatoire jusqu'à la fin du confinement et oblige les villes qui l'ont décrété à retirer leurs arrêtés. On verra bien si ce choix sera pérennisé. On n'en est pas à un revirement près. De toute façon, les gens continuent à fabriquer leur propre protection et n'hésitent pas à les partager, à les donner à ceux qui en ont besoin. Je pense que peu importe ce qui sera décrété, ceux qui ressentent le besoin d'être protégés le feront par eux-mêmes. Pour le déconfinement, les propositions fusent. La maire de Paris propose en particulier l'attribution d'un certificat d'immunité. Mais cela impliquerait un dépistage sérologique généralisé alors que ces tests sont encore en cours de validation sanitaire. Ensuite, il se posera un problème juridique de discrimination. Qui devront être les premiers testés? Qui seront les derniers? Et peut-être les laisser pour compte. Et puis, être immunisé, cela empêche-t-il d'être porteur sain du virus et de le transmettre en toute impunité? Dans le domaine culturel et artistique, les annulations de spectacles et de festivals se succèdent. Les artistes, déjà pénalisés par leur statut d'intermittent, vont encore trinquer et les structures, souvent associatives, risquent de ne pas s'en relever. Un exemple, le festival Hellfest de Clisson a été annulé. Il a été proposé aux amateurs de musique métal et de hard rock de conserver les billets déjà achetés pour la prochaine édition du festival. Quant à la programmation, elle pourrait être rééditée pour 2021. Toute une logistique très lourde et difficile à réaliser. Aux États-Unis, à New York plus précisément, ce centre de la pandémie, une île Hard Island, est devenu une île cimetière. Des tranchées sont creusées à la pelleteuse. Les cercueils des morts non réclamés sont déposés côte à côte dans ces fosses communes. Les défunts sont même transportés dans les housses plastiques, sans cercueil, par des camions non frigorifiques. Les agents des pompes funèbres doivent parfois aller y retrouver une personne décédée, recherchée par sa famille. Est-ce digne d'un pays comme les USA ? Et l'hécatombe continue. Le chiffre de 2100 morts en 24 heures dans tout le pays a été dépassé. Il est difficile de trouver les mots pour parler de cette pandémie. Qui pensait vivre un jour une telle situation ? Que l'on soit confiné chez soi ou que l'on soit sur le front pour lutter contre l'épidémie, que l'on se dévoue pour aider les autres ou pour leur rendre un dernier hommage. Et l'on se heurte toujours à l'inconscience et l'égoïsme des gens. Ceux qui ne veulent pas respecter le confinement et malgré tout partent en vacances. Comme d'habitude, bien sûr, ce sont ceux qui en ont les moyens. Maisons secondaires, avions privés, etc. Et en cas de maladie, ils seront les premiers à vouloir être sauvés. Chez nous, grand événement. Notre chatte, Chouquette, a mis au monde 3 petits chatons. L'un est roux tigré comme sa maman, les deux autres rayés, l'un gris et l'autre noir. Ulysse et Elsie ont été ravis d'assister à la naissance. J'ai dû veiller à ce qu'ils ne se précipitent pas pour toucher les bébés. Une belle leçon de choses en direct. 28e jour, samedi 11 avril 2020. Hier, c'était Vendredi Saint. Nous sommes dans le week-end de Pâques et dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, encore dans le début de ses travaux de restauration. L'échafaudage qui a fondu il y a à peine un an n'a pas encore été retiré. Une célébration a été organisée. Évidemment, aucun fidèle ne participait à cette cérémonie dirigée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, le recteur de la cathédrale et l'évêque auxiliaire de Paris. Seuls invités, un violoniste, Renaud Capuçon, et 2 comédiens, Philippe Torreton et Judith Schlemla, et bien sûr les caméramens de la télévision. Entré avec des casques de chantier blanc, l'archevêque a troqué le sien contre sa calotte violette traditionnelle. Les invités étaient habillés avec des combinaisons blanches et des bottes, mais rien sur la tête, pour cause de décontamination au plomb inachevé. Temps de méditation, sonates de Bach, lecture de textes de Charles Péguy, Paul Claudel, Francis James et Mère Teresa. La comédienne a chanté un Ave Maria de Schubert a cappella. Non, je n'ai pas assisté par vidéo à toute la cérémonie. Ce que je viens de relater, je l'ai, je le confesse, pompé dans un article publié par la chaîne qui a enregistré ce moment, France 3 Région, pour ne pas la citer. Mais, bien que peu intéressé par les choses de la religion, j'ai été touché par cette cathédrale meurtrie, dans laquelle une humanité tout aussi meurtrie vient méditer, jouer de la musique, prononcer des mots, dire des textes, prier et espérer. Partout en France, les autres lieux religieux sont tout aussi désertés, malgré ce week-end pascal. Ce n'est pas un miracle si la grotte de Lourdes est vide de ses malades. S'ils ne viennent pas chercher l'eau bénite, ce n'est pas parce qu'ils sont guéris, mais parce qu'ils se protègent pour ne pas être encore plus malades. Dans les magasins, dans les drives, il est possible d'acheter les œufs et autres gourmandises traditionnelles. Des chocolatiers se sont organisés pour des ventes par correspondance via Internet. Mais impossible d'organiser les chasses aux œufs qui font la joie des petits et des grands aussi. Nous avons l'habitude de nous rendre chez ma mère pour un déjeuner en famille, avant que les friandises, enveloppées de papiers multicolores et dorés, ne soient dispersées autour de la maison. Cette année, cela se fera dans notre jardin. J'ai réussi à cacher mes achats aux enfants en les rangeant dans le garage pendant que Stéphane les occupait. Nous allons filmer la chasse pour envoyer la vidéo à ma mère. Mon amie Inès m'a dit qu'elle a simplement acheté ce qui plaît à ses enfants. Ils sont plus grands que les miens et ne croient plus ni au Père Noël ni aux cloches qui déposent les œufs dans les jardins. Chez Violette, ce sera la découverte des œufs, les vrais, dans le cadre de la diversification alimentaire de son bébé. Les médias font état d'une recrudescence d'envie de potager de la part de nombreuses personnes, sans doute le désir de retrouver de vraies valeurs, mais aussi la volonté de subvenir à ses propres besoins, de ne plus dépendre des autres. Et aussi, pour certains, la possibilité de sortir quelques heures par semaine dans leur jardin partagé. Cela a amené une réouverture partielle des jardineries, sous condition d'accès drastique, afin que ces jardiniers puissent acheter des plants ou des graines de légumes. Il faut dire aussi qu'il y a une crainte par rapport à l'approvisionnement des magasins, en particulier pour les récoltes qui devraient se faire actuellement, en particulier les fraises et les asperges, puisque les maraîchers sont en panne de main-d'œuvre, surtout étrangère. Certaines personnes, qui ne sont pas du tout du métier, se sont portées volontaires pour aider, puisqu'elles sont au chômage technique, mais cela ne suffit pas. En Allemagne, des saisonniers roumains sont acceptés avec des conditions d'entrée extrêmement surveillées. Et pour finir cette chronique du jour, je vais terminer par une blague facile d'une journaliste. Bon week-end de Pâques, sous cloche. 29e jour, dimanche 12 avril 2020. Encore une belle matinée. À peine fraîche, un peu de rosée, un soleil lumineux. Un peu trop chaud l'après-midi. Du coup, de l'orage est prévu en fin de journée. Le printemps est de bonne volonté cette année. Pourquoi ne peut-on en profiter aussi librement qu'on le voudrait? Ce maudit virus gâche ces bons moments, quand il ne fauche pas les vies, comme l'herbe déjà haute qu'il va falloir engranger pour nourrir le bétail l'hiver prochain. Malgré cette sinistre pandémie, il faut continuer à vivre et à penser à l'avenir. Les agriculteurs n'ont pas le temps de philosopher. Ils doivent s'occuper de leurs champs. La nature n'attend pas. Quand ils n'ont pas besoin d'aller s'approvisionner en grains ou en engrais, quand ils peuvent s'occuper sur leurs terres sans aller à la coopérative pour une raison ou une autre, ils poursuivent leurs activités. Les récoltes des céréales n'interviendront que plus tard. Pour les éleveurs, les choses sont différentes. Lorsqu'un animal doit être vendu, il ne faut pas avoir à le nourrir au-delà de ce moment. Ainsi, les agneaux qui devraient être sacrifiés pour les fêtes de Pâques, s'ils ne le sont pas, ils deviendront des moutons, dont le prix ne sera plus le même. Les producteurs de lait doivent aussi baisser la production. Allez demander à une vache en pleine santé de donner moins de lait. La pauvre bête mange toujours autant. et produit autant de lait. Impossible de ne pas la traire. Quant à laisser les veaux sous la mer plus longtemps, cela aboutira au même problème que pour les agneaux. Les coopératives laitières, les fromageries, tournent au maximum, mais il faut parfois jeter du lait parce que les productions ne trouvent pas de débouchés. Seules les grandes surfaces, quelques petits magasins de détail et quelques commerçants, sur ce qu'il reste des marchés autorisés, peuvent vendre les produits. Je parlais aussi hier du problème des maraîchers, qui ne trouvent pas de saisonniers, le plus souvent venant de l'étranger. Avec l'interdiction de se déplacer, seules les aides locales peuvent intervenir, mais elles sont totalement insuffisantes. À tout cela s'ajoute le problème du transport. Seules les denrées alimentaires et les biens de première nécessité peuvent être livrés. N'oublions pas aussi que les routiers, eux, se trouvent confrontés à la fermeture sur leur trajet de tous les restaurants et hôtels où ils peuvent d'habitude s'arrêter pour manger, aller aux toilettes, prendre des douches, se reposer, etc. Outre le fait qu'ils sont seuls à bord de leur camion, ils doivent rouler sans le moindre confort ou réconfort. Aucune halte ne leur étant permise, sauf quelques exceptions qui sont les bienvenues. Ça va ? J'ai bien fait le tour ? Non. Il manque sûrement d'autres domaines que je n'ai pas abordés, mais à chaque jour suffit sa peine. Ceux qui sont en peine, ou plutôt en rage, ce sont les maires des stations balnéaires. Après les villages de montagne où les citadins se sont clandestinement réfugiés, mais les chalets ouverts éclairés la nuit, les consommations d'eau et les razzias dans les supérettes locales trahissent leur arrivée, ce sont les villes côtières de Bretagne et de Vendée qui voient leurs villas et appartements locatifs à nouveau occupés, en dépit de l'interdiction de déplacement. Il est à craindre que si la moindre expansion de la pandémie dans ces lieux se révélait, une agressivité se développerait vis-à-vis de ces envahisseurs, qui ne respectent pas le confinement pour eux et mettent en danger l'effort accompli par ceux qui s'y contraignent. Un ras-le-bol des confinés est perceptible malgré toutes les initiatives des bonnes volontés pour tenter de surmonter cette triste période. J'ai entendu dire aussi que les essais sur l'hémoglobine du ver marin arénicole ont été arrêtés parce que des résultats sur des porcs n'ont pas été assez concluants. Je pense que l'information doit désoler ma mère qui prône toujours le naturel. Espérons que ce n'est pas une histoire de gros sous et de manœuvres de laboratoire pharmaceutique qui a présidé à cette décision. En ce dimanche, envoi et partage de cartes virtuelles de Pâques. Les enfants sont ravis et veulent les regarder et les écouter en boucle. Les cadeaux des cloches dans le jardin ont eu leur succès habituel. 30e jour, lundi 13 avril 2020. Nous entrons dans la troisième dizaine de jours de confinement. D'après les rumeurs, il ne semble pas qu'on soit prêt d'en sortir. Attendons ce soir le discours du président de la République. Autre rumeur, l'école ne rouvrirait qu'en septembre. Entre la peur de la contamination et la crainte de devoir garder les enfants à la maison jusqu'à ce moment-là, avec l'obligation de leur enseigner le programme scolaire diffusé par les instituteurs via Internet, j'avoue que je ne sais pas que souhaiter. Non seulement, comme beaucoup de personnes, je n'ai pas choisi le métier de professeur des écoles et je n'en ai donc pas les capacités, mais comment vais-je pouvoir reprendre mon activité professionnelle ? Je n'ai aucune nouvelle de mon employeur. Je suis actuellement payée par le chômage pour garder mes enfants à la maison pendant cette pandémie. Mais qu'en sera-t-il lorsque les écoles seront rouvertes, lorsque le confinement sera suffisamment levé pour que le travail reprenne ? Vais-je retrouver mon emploi ? Mon entreprise va-t-elle surmonter cette crise ? Nous, les petites mains, les couturières de base, nous sommes payées au SMIC ou à peine plus, même celles qui sont anciennes dans la boîte. Je n'ai pas l'impression que notre patron soit très riche, lui non plus. Et pourtant, nous travaillons pour une grande marque de haute couture, que je ne nommerai pas ici. Les robes que nous confectionnons pour les dames de la haute sont vendues parfois aux alentours de 5 000 euros pièce. Et vu le nombre que nous en cousons, cela représente quand même une belle somme. Est-ce que mon employeur pourra se passer de moi et de toutes ces autres employées obligées de garder leurs enfants pendant tout ce temps ? Est-ce qu'il ne sera pas tenté de me remplacer s'il recommence son activité, au risque que je me retrouve licenciée au bout du compte ? Ou bien embauchera-t-il des personnes en CDD, le temps du confinement ? Mais où trouvera-t-il de la main-d'œuvre aussi qualifiée que nous ? Les élèves en cours de CAP n'auront pas fini leur formation, pour cause de pandémie. Un véritable cercle vicieux à plusieurs niveaux. D'autre part, être indemnisé par le chômage, ça n'aura qu'un temps. De plus, ces indemnités ne concernent que le salaire principal, excite les primes qui nous permettent parfois de boucler une fin d'année. Qu'en sera-t-il de notre véritable droit au chômage en dehors de cette période? Comment cela comptera-t-il pour nos retraites? Et cela ne va-t-il pas impacter nos congés de l'année? Encore des questions sans réponse. En matière d'économie, je n'ai que de vagues notions. Je me contente d'écouter et de tenter de survivre, ma famille et moi, parce que je connais surtout la version plurielle du mot « économie », lorsqu'il faut en faire des économies, pour tenir jusqu'à la fin du mois, pour affronter les échéances de prêts, les factures, les dépenses non prévues, voiture en panne, problème de santé, etc. Le doute, l'angoisse de l'avenir aussi me ronge. J'avais le vague projet, plus tard, de quitter cet emploi pour me lancer dans la création de mon auto-entreprise de couture, forte de mon savoir-faire acquis dans mon poste actuel. Je ne suis pas encore dans cette phase de décision, cela vient trop tôt. Mais si je perds mon travail, je devrais réagir vite pour rebondir sans perdre de temps. J'avoue que l'idée me tourne de plus en plus dans la tête. Discours du président de la République. Je passerai sur son style à l'opposé du précédent, mais qui me semble tout aussi affecté. Je n'y ressens aucune empathie réelle. Bref, question pratique. Poursuite du confinement le plus strict jusqu'au lundi 11 mai, avec les mêmes règles. Il va falloir tenir un mois de plus. À partir du 11 mai, réouverture progressive des crèches, écoles, collèges, lycées. Seul l'enseignement supérieur se poursuivra à distance, jusqu'aux examens. Ce qui peut sembler une bonne nouvelle n'est en réalité que pour libérer les parents de la charge éducative de leurs enfants et leur permettre de reprendre une activité professionnelle, donc de ne plus être indemnisés par le chômage. On privilégie là l'économie sur la santé publique. C'est quand même bien pour les enfants, pour qui cessera ce confinement. 2 mois, c'est énorme pour eux. Cela soulagera sans doute certaines tensions qui parfois peuvent tourner à la violence. Il n'y a plus qu'à espérer que cela ne provoquera pas un effet boomerang de la pandémie. Les lieux de rassemblement fermés, tels que les restaurants, musées, salles de spectacle, etc., resteront fermés jusqu'à la mi-juillet. Nombre de festivals sont déjà annulés. Le cinéma en plein air est réinventé. Chacun et ceux qui vivent avec, dans sa voiture, avec son sachet de pop-corn maison devant le grand écran. À partir du 11 mai, distribution de masques grand public, à tout le monde. Les personnes à risque, fragiles, âgées, porteuses d'autres pathologies, devront rester confinées au-delà de cette date du 11 mai. Tout l'été, jusqu'à Noël, cela n'a pas été précisé. Ce sera sans doute décidé en fonction des conséquences du déconfinement partiel. Augmentation du nombre de tests destinés en priorité aux soignants, aux aînés, aux personnes fragiles et ayant des symptômes. Tous les laboratoires sont requis pour les faire, y compris les laboratoires vétérinaires. Pour achever ce magnifique discours, la promesse que des vaccins, des traitements pour guérir du Covid-19 vont être trouvés. Quand ? Bientôt, en tout cas pour un monde meilleur. Au final de ce lundi de Pâques, devrons-nous faire l'œuf et tout gober ? À suivre. Merci de votre lecture.